Selon le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibon, l'action extraordinaire des jeunes étudiants contre la disparition de Saad a tenu le 14 aux environs de l'ambassade américaine à Séoul une conférence de presse pour publier le manifeste contre Saad et pour la paix. Alors que les formations estudiantines telles que la Fédération des étudiants sud-coréens du 21e siècle ont également condamné le 13 les États-Unis qui aggravent la tension militaire en introduisant dans les eaux de la péninsule coréenne la flottille de frappe du porte-avions nucléaire Kelvinson. Selon une information en provenance de Séoul, l'Action urgente des civils contre la disparition de Saad a publié le 11 une déclaration sur l'injustice de la disparition de l'armement américain en Corée du Sud.